Pourquoi faudrait-il opposer expliquer et comprendre? Devant certains événements, et en particulier devant certains actes humains, et ce n'est pas anodin, nous avons l'impression qu'il y a deux types de connaissances possibles. Il y a la façon de connaître qui relie cet acte à des événements, à des causalités extérieures, et puis il y a le sens de cet acte pour celui même qui agit. C'est pourquoi, dans l'histoire de la philosophie, en particulier dans la constitution de ce qu'on appelle les sciences humaines au XXe siècle, on a opposé deux modes de connaissance, l'explication et la compréhension. Le grand historien et sociologue Wilhelm Dilthey, en Allemagne, a théorisé cette distinction d'une manière générale. Expliquer, c'est relier à des causes extérieures. Comprendre, c'est relier à un sens intérieur. Et c'est cette distinction qui a contribué à la constitution de la spécificité de la connaissance de l'humain, des sciences humaines, dans les sciences en général, de l'anthropologie, pourrait-on dire, philosophique aussi, dans les sciences de l'homme ou du vivant en général au XXe siècle. Mais peut-être faut-il aller plus loin dans cette opposition qui pourrait avoir sinon quelque chose de mystérieux. Ce que voulait dire Dilthey et aussi Max Weber et ceux qui l'ont repris en France, par exemple dans les années 30, Raymond Aron à côté de Jean-Paul Sartre, c'est l'idée que cette compréhension a quand même des règles, a quelque chose de systématique. Ainsi, comprendre un acte, l'acte d'un sujet humain d'une autre culture ou d'une autre histoire dans une période par exemple très éloignée, comprendre ce que faisaient les Grecs ou les Romains anciens, comprendre ce que font les autres habitants des autres parties du monde, d'autres cultures, c'est pas seulement les relier à leur intention subjective. C'est le relier au contexte culturel d'ensemble qui explique d'une autre manière que la causalité physique leur comportement. Il y a une sociologie d'ensemble qui fait que ce que nous faisons se comprend uniquement par rapport au sens d'ensemble que nous leur donnons. Nous ne pouvons plus nous représenter ce que signifiait pour un citoyen grec la nature même de la cité, avec aussi ces scandales objectifs que sont par exemple la présence de l'esclavage. Les sociologies compréhensives sont proches alors de l'histoire des mentalités. Et comprendre devient alors quand même une explication. C'est quelque chose de généralisable, d'universalisable. C'est l'histoire, c'est la science des cultures, c'est l'anthropologie et c'est absolument nécessaire. Il faut alors relier l'explication et la compréhension. On ne peut pas les durcir. Comprendre, ce n'est pas quelque chose de mystérieux et de mystique. Simplement, c'est au contraire une démarche méthodique, méthodologique, tout comme l'explication objective et qui ne doivent jamais être opposées l'une à l'autre. Il reste pourtant quelque chose dans la compréhension humaine qui résiste à cette généralisation, quelque chose qui est l'intercompréhension individuelle, cette façon que nous avons de dépasser toujours les cadres généraux pour essayer d'entrer dans l'expérience individuelle. Alors peut-être que comprendre n'est plus du tout situé dans un cadre général, mais au contraire y échapper, et peut-être qu'alors ce n'est pas les sciences humaines qu'il faut absolument utiliser et respecter qui viennent compléter l'explication objective des phénomènes, mais la littérature, l'art, le drame, qui nous dit vraiment ce qu'il s'est passé. Est-ce que j'ai vraiment compris quelqu'un tant que je ne me suis pas mis à sa place, tant que je n'ai pas souffert ou que je ne me suis pas réjoui avec lui ?